le temps presse. Même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours. Et même si l'on m'arrête ou s'il faut briser des murs en soufflant dans les trompettes ou à force de murmures, j'irai au bout de mes rêves. L'empreinte.